بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns a prêté l'oreille à ce Coran et a dit, nous avons entendu réciter une lecture merveilleuse qui guide vers la droiture. Nous y avons cru et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. Notre Seigneur, exalté soit-il, ne s'est donné ni compagne ni enfant. Notre insensé proférait sur Dieu des extravagances. Nous pensions que ni les humains ni les djinns ne se permettraient jamais de proférer des mensonges au sujet de Dieu. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. Il y avait certains individus parmi les hommes qui cherchaient la protection d'autres individus parmi les djinns. Mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Et ils présumaient, tout comme vous présumiez, que Dieu ne ressusciterait jamais personne. Nous frôlions le ciel et le trouvions empli de gardiens redoutables et de météores. Nous y prenions place, assis, pour épier les conversations. Mais quiconque à présent tente d'y écouter, y trouve un projectile de feu aux aguets. Et nous ne savons pas si on veut du mal aux habitants de la terre, ou si leur Seigneur veut les guider sur le droit chemin. Il y a parmi nous des vertueux, et d'autres qui le sont moins, car nous adoptions des chemins disparates. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. Nous savons que nous ne pouvons aucunement échapper à Dieu sur terre et que nous ne pouvons non plus y échapper en fuyant. Lorsque nous avons entendu le guide, le Coran, nous y avons cru et quiconque croit en son Seigneur n'a à craindre ni diminution, ni oppression. Il y en a parmi nous qui sont soumis à Dieu, et d'autres qui sont injustes. Ceux qui ont embrassé l'islam en se soumettant à Dieu sont ceux qui ont choisi le droit chemin. Quant à ceux qui sont injustes, ils serviront à alimenter l'enfer. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. S'ils avaient emprunté le droit chemin, nous leur aurions sûrement accordé en abondance une eau, par laquelle nous les aurions éprouvés. Quiconque se détourne du rappel de son Seigneur, celui-ci l'achemine vers un châtiment sans cesse croissant. Les mosquées appartiennent exclusivement à Dieu. N'invoquez donc personne d'autre avec lui. Lorsque le serviteur de Dieu se leva pour l'invoquer, ils se pressèrent autour de lui, l'étouffant presque. قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Dis-leur, je n'invoque que mon Seigneur et ne lui prête aucun associé. Dis, je ne possède aucun moyen de vous nuire ni de vous guider sur le droit chemin. Dis, nul ne peut me protéger contre Dieu et jamais je ne trouverai de refuge en dehors de lui. Je ne peux que transmettre une communication que je tiens de Dieu, de même que ses messages. Et quiconque désobéit à Dieu et à son messager aura le feu de l'enfer comme séjour éternel. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. Puis quand ils verront le jour dont on les avait menacés, ils sauront alors avec certitude lesquels ont le moins d'alliés et lesquels sont les moins nombreux. Dis, je ne sais pas si ce dont vous êtes menacés est proche ou si mon Seigneur lui a assigné un terme plus éloigné. C'est lui qui connaît l'invisible et jamais il ne révèle ses secrets à qui que ce soit. À l'exception de ceux qu'il a élus parmi ses messagers, lesquels il fait précéder et suivre de gardiens afin de s'assurer qu'ils ont bien transmis les messages de leur Seigneur. Il embrasse ainsi leurs moindres faits et gestes et tient compte minutieux de toutes choses.